Bien-aimé, Jésus est devant maintenant les pharisiens qui se demandent et qui lui demandent quand va arriver le règne de Dieu, parce qu'ils savent bien que le règne de Dieu va arriver. C'est quelque chose que parfois on a un peu oublié. Alors on le dit tous les jours, que ton règne vienne, mais est-ce qu'on l'attend vraiment, ce règne de Dieu, que le règne de Dieu vienne vraiment dans le monde? Alors les pharisiens, eux, n'ont pas oublié ça, cette idée que le règne de Dieu devait s'établir sur la terre. Et Jésus, voyez, comme ils sont hommes comme vous et moi, eh bien ils imaginent, ces pharisiens, que ce règne de Dieu, il va arriver à travers un personnage providentiel qui va venir, qui va régner sur Israël et qui va établir une théocratie, avec un pouvoir politique, et donc qui va établir le règne social du Christ par un pouvoir politique, par des choses qui sont extérieures en fait au cœur des hommes, et qui va pouvoir par son pouvoir établir un règne divin. Et Jésus comprend bien que les hommes sont à la recherche de personnages providentiels qui seraient extérieurs à eux, qui résoudraient tous leurs problèmes, et qui, de cette manière, établiraient un règne qui viendrait de Dieu. On veut un roi, on veut un président providentiel, on voudrait que ce soit tel ou tel personnage qui correspond à nos idées, et qui donc pourrait, comme nos idées, bien sûr, sont des idées divines, saurait établir le règne divin sur la terre. Alors Jésus, vous voyez, va prendre le contre-pied de ça et nous informer de quelque chose d'absolument fondamental que nous devons comprendre. Il dit aux pharisiens, voyez, l'avenue du règne de Dieu, elle n'est pas observable. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire à travers des élections ou à travers une nomination humaine. Non, ce n'est pas observable de cette manière. On ne dira pas, voilà, il est ici, le prophète, le Messie. Qui va sauver le monde, où il est là. Le règne de Dieu, vous devez d'abord le chercher en vous-même. Il est au milieu de vous. Le règne de Dieu, vous voyez comment il va s'établir. Il va s'établir d'abord dans les cœurs des hommes et des femmes qui cherchent Dieu de tout leur cœur. C'est là qu'il va s'établir le règne de Dieu. Et s'il ne doit s'établir qu'en un endroit, c'est dans cet endroit-là, dans ce lieu-là. Bien sûr, une fois que le cœur est habité par le règne de Dieu, une fois que Dieu règne dans une âme, eh bien ce règne se répand dans les âmes qui sont autour d'elle, de proche en proche, de prochain en prochain, par l'amour que Dieu met dans le cœur. Et bien sûr, petit à petit, alors, les cœurs changent, les relations se transforment. Et alors, on peut le voir, effectivement, de manière palpable, sensible. On peut toucher le règne de Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, ça commence déjà à faire, mais je me rappelle d'avoir été faire une retraite dans un petit monastère perdu dans la montagne. Des religieuses un peu chartreusines, vous savez, les mêmes qui sont à Laverne. C'était dans la montagne, à côté de Genève. Et je me souviens que j'étais assez jeunement reconverti, et j'essayais de vivre tant bien que mal le règne de Dieu au fond de mon cœur. Et puis le Seigneur m'appelait déjà un petit peu au sacerdoce. Je sentais l'amour de Dieu qui m'attirait vers le séminaire, mais je demandais quand même au bon Dieu, vous voyez, je vous ouvre mon cœur, à ma vie, je demandais quand même au bon Dieu de me montrer une épouse, parce que je voulais me marier quand même, alors j'étais entre les deux, et puis je demandais de me montrer une épouse, alors je la lui décris tout simplement. Vous savez, parfois il faut être simple avec le Seigneur, il faut lui dire, voilà, je voudrais qu'elle soit chrétienne, qu'elle veuille avoir plein d'enfants, etc., etc. Et puis je me souviens d'être entré dans la chapelle après cette prière, la chapelle où se réunissaient les sœurs pour les vêpres. Et ce soir-là, il y avait des prises d'habits de jeunes sœurs. Et moi, je regardais tout ça. Et quand je voyais les sœurs se prendre dans les bras, s'embrasser après avoir pris l'habit, je voyais les chants angéliques, j'entendais les chants angéliques, je voyais les cierges allumés, tout cet amour qui se dégageait de ce cœur, je me suis dit, voilà le règne de Dieu. Voilà l'Église et voilà mon épouse. Voyez ? J'ai compris que le règne de Dieu, oui, il pouvait se voir de manière palpable, hein, mais que tout d'abord, il était caché au fond de notre cœur, dans le cœur des hommes et des femmes qui cherchent vraiment à vivre de l'amour de Dieu. Alors, voilà comment nous devons chercher à vivre le règne de Dieu. Quand nous disons que ton règne vienne, c'est d'abord dans notre cœur qu'il doit se répandre. Que nous soyons unis à Dieu. C'est très simplement la présence de Dieu dans notre âme à laquelle nous sommes attentifs à Dieu. Jour après jour, minute après minute, heure après heure, il est là dans notre âme. Comme je disais dimanche, Dieu est en nous. Et alors, comme il est là, eh bien, nous pouvons l'aimer et nous pouvons vivre d'amour. Que ce règne de Dieu se répande en nous, pour qu'au jour où le Christ reviendra, nous ne soyons pas étonnés, nous le reconnaissions immédiatement, et nous puissions sauter dans ses bras en disant « Ah voilà, te voilà, toi qui vivais en moi. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.